J'aperquise dans les blocs à 7 heures précises. Ces jeunes qui foquent la police des Glock. Glock qui détonne et détonne de rimes pour la mif. J'dégomme comme ce guerrier que l'on nomme Mohamed Ali. J'baisse pas mon froc pour des khalis. On rappe pour les nôtres, combat pour la cause. Jusqu'à la mort comme un tox pour sa dose. Oh, c'est pour les nôtres et seulement pour les nôtres. Oh, c'est pour les nôtres et seulement pour les nôtres. Une chose est sûre, c'est que j'serai toujours présent pour la familia. Get ça, c'est le son des insoumis. Pété à la RIA, entre tracas et insomnie. Derrière le mic, on agonie. Tous veulent péter le score et faire d'oseille à la Tony. Fracasser des portes, tabasser les portes, ramasser des billets. Nous la galère, on la connaît. Alors pas question de se plier en deux pour des petits sous. C'est la France des misérables face à la bande à Picsou. Faire des thunes pour mieux filer, c'est la conquête du bon filon. Je dois me faufiler comme un fil, car faut dire que j'ai pas le profil. J'fais du rap dans les clips, tu te balades dans un shrifling. J'balance des lyrics pour la mif, just do it pour le kiff. C'est de la boulette pour les foulettes, fuck les poulets et leur justice. Je m'en bats les couilles, je veux voir leur système dans un trou. Même les zoulettes vendent des barrettes, des boules à douce pour te dépouiller. Ce son c'est pour les nôtres, car ici y'a que des débrouillards. Ça fait toc toc, y'a perquise dans les blocs à 7 heures précises. Ces jeunes qui fuck la police des Glock. Glock qui détonne et détonne de rimes pour la mif. J'dégomme comme ce guerrier que l'on nomme Mohamed Ali. J'baisse pas mon froc pour des khalis. On rappe pour les nôtres, combat pour la cause. Jusqu'à la mort comme un tox pour sa dose. Oh, c'est pour les nôtres et seulement pour les nôtres. Oh, c'est pour les nôtres et seulement pour les nôtres. Oh.